Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio Fadjet pour votre émission de vulgarisation scientifique Mi-Science Impossible. Si vous ne nous connaissez pas encore, Mi-Science Impossible est une émission durant laquelle les agents Bertrand, bonjour Bertrand. Bonjour Justine, bonjour Gaëtan, bonjour à tous les auditeurs. Gaëtan, bonjour Gaëtan. Bonjour les amis et bonjour à tous nos auditeurs aussi. Et moi-même Justine, tous les trois élèves à l'ENSIC, vous explique à chaque émission le fonctionnement de quatre phénomènes physiques ou chimiques. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, l'ENSIC, c'est une école d'ingé située en vieille ville de Nancy, durant laquelle on apprend comment fabriquer des produits chimiques, produire de l'énergie à grande échelle, ou plus simplement passer de l'échelle du laboratoire à celle de l'industrie. On y étudie la physique et la chimie dans le thème de l'énergie et de l'industrie. Mais voyons plutôt ce que nos fidèles agents vous ont préparé pour aujourd'hui. Alors Gaëtan, dis-nous tout. Eh bien, on va tout d'abord voir quelque chose qui est bien d'actualité. C'est à propos du gel hydroalcoolique et plus précisément pourquoi on ressent du froid quand on se frictionne les mains avec. Ensuite, comme on sait si bien le faire, je vous parlerai du procédé de fabrication du verre. Eh bien, que des choses qui vont sûrement intéresser nos auditeurs. Mais alors toi, Bertrand? Alors moi, pour le coup, je sais que c'est pas trop de saison, mais je vais vous expliquer pourquoi on sale les routes en hiver, pour éviter que ça gèle, oui, mais comment ça fonctionne. Et enfin, pour finir, avant le quiz, je vous parlerai des bulles de liquide que l'on peut parfois trouver, notamment dans les bubble tea. Mais alors ne perdons pas une minute de plus et commençons tout de suite avec Gaëtan, alors je t'en prie. Là, je sais que je vais parler à tout le monde avec ce thème. Et oui, vous êtes peut-être déjà posé la question suivante. Pourquoi a-t-on une sensation de froid quand on se frictionne les mains avec gel hydroalcoolique? Cette question est d'autant plus intrigante parce qu'on le sait bien, on ne sort jamais notre gel du frigo quand on veut désinfecter les mains. On le prend soit d'une poche de notre manteau, soit dans notre sac, ou bien au comptoir d'un magasin. Et le produit se trouve donc à température ambiante, tout comme nos mains. Répondons alors ensemble à cette question qui renferme des secrets de thermodynamique. Vous allez le voir. Je n'ai pas besoin de vous demander de faire une expérience pour me croire, mais si ça fait un moment que vous n'avez pas réalisé cette action, je vous demande de vous frictionner les mains avec du gel hydroalcoolique. Là, deux choses. Vous ressentez bien la sensation de froid dont on parle dans cette chronique, et vous voyez également que vos mains sont sèches en quelques secondes, et c'est très pratique. Si je vous dis que les deux phénomènes sont liés, est-ce que vous me croyez? Pour les curieux et les plus sceptiques d'entre vous, voici quelques explications. Lorsqu'on frotte bien ses mains, la solution désinfectante se volatilise rapidement, ou plutôt s'évapore, c'est-à-dire passe d'un état liquide à un état gazeux. En thermodynamique, qui est une matière qui étudie les changements d'état comme celui-ci, on sait que le passage d'un état physique à un autre demande à ce que l'on apporte de l'énergie, et en particulier de l'énergie thermique. On peut prendre cette image assez simple. Comme on doit fournir de l'énergie pour que l'ascenseur vous amène du rez-de-chaussée au niveau du troisième étage, on doit apporter de l'énergie pour que le gel passe d'un état liquide à un état gazeux. Le transfert d'énergie thermique qui s'opère quand vous vous lavez les mains va permettre au gel de s'évaporer. Si vous voulez le retenir, on dit que le gel est endothermique. Alors non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un gros mot. C'est juste qu'un composé qui est endothermique, ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'on lui apporte de l'énergie pour qu'il se passe quelque chose. Ça peut être un changement d'état comme ici, mais ça peut tout aussi bien être une réaction chimique. Vous n'avez qu'à vous dire qu'une espèce qui est endothermique, c'est juste qu'elle a besoin d'un bon coup de pied énergétique au derrière pour passer à l'action. Donc on est maintenant d'accord. On frotte nos mains, ce qui va faire que nous apportons de l'énergie thermique au gel hydroalcoolique, qui va bien vouloir s'évaporer. On est bien avancé, mais vous ne voyez peut-être pas pourquoi cette sensation de froid. En réalité, tout se passe comme si le gel que vous avez sur vos mains absorbait la chaleur qui se trouve elle-même sur vos mains. Si vous les frottez, si vous frottez vos mains sèches assez vigoureusement, normalement vous sentez que le frottement amène aussi une petite sensation de chaleur qui s'installe, mais qui disparaît aussitôt qu'on arrête de frotter. Et bien quand vous faites la même chose en vous désinfectant les mains, le gel hydroalcoolique va se servir de cette chaleur qui se trouve à l'intérieur de vos mains pour s'évaporer. Et donc la sensation de froid qui vient non pas du fait que le gel ait un super pouvoir refroidissant, mais plutôt qu'il vient soutirer de la chaleur dans vos mains pour devenir gazeux. Mais au final, le résultat est le même. Refroidir ou entre guillemets retirer de la chaleur, même combat. Eh bien, comme quoi la physique est vraiment partout dans notre quotidien, et d'autant plus en ce moment. Mais allez, pour vous laisser le temps d'assimiler tout ça, je vous laisse une poignée de minutes en compagnie de Nathan Evans avec Wellerman, et on se retrouve juste après. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Before the boat had hit the water, the whale sail came up and caught her. All hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. For 40 days or even more, the line went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that whale did go. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as affair, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The willow man makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Vous êtes de retour sur Radio Fadjet, et juste avant la pause, l'agent Gaëtan vous a expliqué pourquoi on ressentait du froid lorsqu'on s'applique du gel hydroalcoolique sur les mains. Mais si vous avez manqué cette partie, tout ceci sera réécouté en podcast sur nos réseaux. Il est maintenant temps d'écouter Bertrand nous expliquer pourquoi il est plutôt ingénieux de mettre du sel sur les routes l'hiver. Bon, maintenant que les beaux jours reviennent, il est temps de se poser certaines vraies questions pour l'hiver prochain. Comment ça je prévois beaucoup trop ? Enfin, bref, c'est pas la question. Je vais vous parler du sel de déneigement. Parlons dans un premier temps du sel. Qu'est-ce que le sel ? Le sel est composé de sodium, de symbole chimique Na, et de chlore, de symbole Cl. C'est pourquoi le sel est aussi appelé chlorure de sodium, chlore et sodium. Lorsque l'on met du sel dans de l'eau, le mélange que l'on obtient est appelé saumure. Vous avez peut-être déjà entendu parler de saumure, notamment en cuisine pour certains d'entre vous. Mais quel est l'intérêt de mettre du sel dans de l'eau ? Quel est l'intérêt de la saumure ? En fait, c'est plutôt simple. Prenez un corps pur. On appelle corps pur un liquide, gaz ou solide qui n'est composé que d'un seul élément, par exemple de l'eau. Si vous ajoutez du sirop, ce n'est plus un corps pur, c'est un mélange eau plus sirop. Dans la plupart des cas, en fonction des proportions des deux corps purs mélangés, les propriétés physiques du mélange vont changer. Parmi elles, la température d'ébullition, la température de congélation, la densité, le volume, etc. Gardez bien en tête que ces variations dépendent de la composition. Si vous avez 90% de sirop et 10% d'eau, ce mélange sera beaucoup plus visqueux que si jamais vous avez 90% d'eau et 10% de sirop. La caractéristique physique qui nous intéresse ici est la température de congélation. Lorsque l'on refroidit un mélange, par exemple de l'eau et du sel, pour le rendre solide, il peut se passer trois choses. La première, si vous avez beaucoup d'eau et un petit peu de sel, dans une certaine proportion, je reviendrai là-dessus dans une minute, vous allez passer donc juste simplement d'eau salée à un mélange avec de l'eau salée et un peu de glace. Et après, vous allez continuer de descendre en température, vous n'aurez que de la glace et du sel solide. Inversement, si vous avez plus de sel que d'eau, proportionnellement, vous allez former dans un premier temps du sel dans de l'eau salée, puis de la glace. Mais alors attends, dans ce cas, il y a un moment où les deux vont se solidifier en même temps, non ? Exactement. Et c'est ce que l'on appelle un eutectique. C'est le point pour lequel le mélange se solidifie entièrement et en même temps pour les deux composés. Dans le cas de l'eau et du sel, il faut, en termes de masse, 23% de sel pour arriver à ce point. Bon, vous allez me dire, oui, bon, d'accord, il y a un point qui s'appelle eutectique, c'est cool, c'est un mot savant, mais qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ce point, l'eutectique, est le point correspondant à la température minimale de congélation du mélange. Dans le cas de la saumure, donc de l'eau et du sel, il faut descendre à une température de moins 21 degrés Celsius pour congeler de l'eau contenant 23% de sel. Rappelez-vous qu'à la base, l'eau congèle à 0 degrés Celsius. Donc juste en rajoutant du sel, on baisse de 20 degrés la température de congélation du mélange. Eh bien, comme quoi tout est vraiment bien réfléchi pour nous faciliter la vie et bien sûr éviter des accidents. Maintenant, Gaëtan s'apprête à nous expliquer ce qui compose notamment nos fenêtres. Alors vas-y, parle-nous un peu du verre. Merci Justine. Déjà, parlons de la composition du verre. On parlait de la composition pour l'eau et de la saumure. Moi, je vais parler de la composition du verre. Vous le savez peut-être, le verre se fabrique à partir de sable et plus précisément de silice, qui en est le principal constituant. Elle représente à peu près 70% de la composition du verre. Dans l'industrie du verre, la matière première silice est largement appelée le vitrifiant. À cela, les vitriers ajoutent de la soude. Dans l'industrie chimique, on parle plus précisément de soude caustique, un peu différente de celle que les particuliers peuvent trouver dans le commerce. Dans le procédé de fabrication du verre, ce composé chimique a aussi un petit nom. On dit de la soude que c'est le fondant, car elle abaisse la température de fusion de la silice, notre vitrifiant. C'est intéressant parce que si on chauffe moins, on consomme automatiquement moins d'énergie. Et enfin, troisième et dernier élément de la recette pour faire notre verre, c'est la chaux, qui est en partie composée de calcium. Dans ce procédé, le calcium est appelé le stabilisant. En effet, il a pour rôle de rendre le verre très résistant. Du calcium pour rendre plus résistant, ça me rappelle des pubs pour des yaourts miracles qui consolident nos os, mais je m'éloigne peut-être un petit peu du sujet. Maintenant que nous connaissons la recette, jetons un coup d'œil sur le procédé en lui-même. Au début de la chaîne de fabrication du verre se trouve la zone d'enfournement. Là, on y met les matières premières qui sont acheminées vers le four. À ce niveau, elles sont rejointes par tout le verre qui contient des défauts et qui a été récupéré et brisé au sein même de l'usine de production. Cela permet de faire un peu de recyclage et surtout de limiter la production de déchets. On chauffe ensuite le tout à 1600 degrés pendant une demi-journée. Ensuite, le verre fondu, donc liquide, est envoyé sur un lit d'étain, qui est un élément métallique qui se trouve lui aussi sous sa forme liquide. On est à l'étape que l'on appelle un bain de verre flottant. Pour vous représenter ce processus, imaginez que le verre fondu vient napper l'étain avec une épaisseur contrôlée, et vous avez donc une couche de verre fondu sur de l'étain liquide. À ce moment précis, vous pouvez, à juste titre, vous demander... Mais pourquoi le verre vient napper l'étain ? Il ne serait pas plus logique que les deux liquides se mélangent entre eux ? C'est une très bonne question, et la réponse se trouve dans la densité de ces deux éléments. Tout comme l'eau et l'huile ne se mélangent pas, le verre et l'étain forment deux phases distinctes. L'étain à la place de l'eau en bas, car plus lourd que le verre, qui lui est à la place de l'huile. Quand il sort de ce bain flottant, le verre est retombé à une température de 600 degrés environ. Il est désormais solide et même bien rigide. Il va passer sur un tapis de rouleau où il est encore refroidi et est acheminé jusqu'à la zone de découpe. Ici, la technique est très précise. En fait, il y a un bras mobile avec une tête ajustée d'un diamant qui vient marquer le verre d'une ligne droite sur le verre qui est produit en continu. Comme Justine l'a évoqué la dernière fois, le diamant est l'élément le plus dur qui existe sur Terre. C'est donc logique qu'on s'en serve ici pour faire de la découpe. La ligne qui est créée par le diamant sert à fragiliser le verre. Fragiliser, oui, car il suffit uniquement d'exercer une toute petite pression sur le verre, mais vraiment quasiment rien, pour le casser. Là encore, on réalise des économies d'énergie, car vu que le verre doit être ultra résistant, pour les pare-chocs notamment,

Bah, la réponse tout de suite. Effectivement, comme l'a dit Justine, les températures remontent. Et c'est bien sympa pour les frileux. Beaucoup moins pour ceux qui, comme moi, préfèrent les températures un petit peu plus hivernales, dirons-nous. Et pour remédier à cela, j'ai trouvé une botte secrète. Le French Coffee à côté de chez moi. Alors, c'est pas de la pub, ça aurait pu, mais ils font de super bubble tea. Et je me suis donc demandé comment étaient faites les bulles du bubble tea. Donc j'ai fait mes recherches. Donc je suis en mesure de vous l'expliquer. Bon, ok, je vais le faire. Pour les néophytes, qu'est-ce qu'un bubble tea? Il en existe deux types. Le premier, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui est un simple thé froid avec des billes de tapioca parfumées à l'intérieur. Et le second, celui dont je vais parler, qui est composé de bulles de sirop dans un thé froid. La question étant, comment faire les bulles de sirop en question? On ne peut pas les faire avec du plastique parce que ce n'est pas comestible. On ne peut pas non plus les faire avec des espèces chimiques comestibles qui altéreraient le goût parce que ce n'est pas le but. On pourrait congeler les billes. Mais dans ce cas-là, ce serait juste des glaçons et on n'aurait plus le plaisir de faire exploser les billes en bouche pour écuire le sirop. Alors que faire? Eh bien, mine de rien, c'est tout aussi simple qu'ingénieux. Dans un premier temps, on va reprendre l'idée de la bille glacée. Le sirop est congelé dans un bac à glaçons de forme sphérique. Ensuite, les billes donc congelées obtenues sont plongées dans du chlorure de calcium, de symbole CaCl, pour revenir à ce que je dis plus tôt, puis dans de l'alginate de sodium. Le premier étant un composé très couramment utilisé dans l'industrie agroalimentaire, le second est une molécule issue d'algues, et donc les deux sont parfaitement inoffensifs pour le corps humain, et je dirais même plus, facilement obtenables. Ensuite, on laisse le tout revenir à température ambiante dans de l'eau. Le gros avantage de cette méthode, enfin les gros avantages de cette méthode, sont les suivantes. Elle est extrêmement simple à mettre en place, vous faites des glaçons, vous mettez ça dans de la poudre, pouf, vous avez votre truc. On peut faire des bulles de ce que l'on veut. Je sais pas moi, sirop de litchi, sirop de fraise, sirop de menthe, ce que vous voulez. Et cette technique est aussi utilisée dans d'autres domaines. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler des bulles d'eau que certains chercheurs ont mis au point dans le but de remplacer les bouteilles en plastique dans certains pays. Eh bien, elles sont fabriquées avec cette exacte même méthode, avec les mêmes constituants. C'est extrêmement simple à mettre en place. Eh bien, avec ça, on s'est tous bien rafraîchis. Alors, toutes les conditions sont donc maintenant réunies pour passer, bien sûr, au quiz. Allez, c'est parti. Alors, on va s'éloigner un petit peu de ce qu'on a pu parler juste avant, parce qu'on va s'intéresser aux jeux vidéo. Je ne sais pas si vous êtes friand de ça ou pas. Normalement, j'ai 2-3 bases. Ah, ça va alors. Enfin, sur certains jeux vidéo très spécifiques, mais... Alors, c'est sur une série de jeux vidéo, en fait, donc je vais essayer de vous le faire deviner. Qu'est-ce que vous connaissez comme gros poids lourd du jeu vidéo qui est connu par... Je pense quasiment tout le monde, même si vous n'êtes pas trop adepte. Alors, t'as dit série de jeux vidéo, ça va être des Mario ou des Sonic ? Ouais, moi je pensais à Mario. Eh bien oui, c'est ça. Notre ami Mario. Première bonne réponse. C'est ça, on n'est pas trop mal. On sera pas, ouais, on sera pas Fanny. Alors, je vais donc vous poser deux petites questions, avec 4 propositions, et il faudra trouver dans les deux cas quelle est la bonne réponse. Alors, première question. Lors de sa création en 1981, Mario est apparu dans le jeu Donkey Kong. Mais il ne s'appelait pas Mario. Et donc, 4 propositions de nom, il faudra trouver le bon nom. Est-ce qu'il s'appelait Red Overalls, soit salopette rouge, ou bien Jumpman, l'homme qui saute, ou bien Big Moustache, grosse moustache, ou bien I hate Bowser Boy, soit l'homme qui détestait Bowser. Vas-y, vas-y. J'ai une petite idée, mais si tu veux dire en premier, vas-y Bertrand. Je vais dire l'homme qui saute. Ouais. Moi aussi, je pensais à Jumpman. Mais vous êtes beaucoup trop fort. Il me semblait l'avoir entendu. Soit on est beaucoup trop fort, soit on s'intéresse un peu trop aux jeux vidéo. Dans un cas, c'est bien, dans l'autre cas, c'est différemment bien. Ça peut être les deux, on peut être trop fort et s'intéresser aux jeux vidéo. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Donc, avant la sortie de Super Mario Bros. En 1985, il s'appelait bien Jumpman. Jusque-là, c'est bon. Deuxième question, mais vous êtes beaucoup trop rapide, donc mon quiz va pas durer longtemps, j'ai l'impression. Alors, donc, deuxième question. Quel métier faisait-il à l'origine, avant d'être plombier comme on le connaît? Est-ce qu'il était éleveur de chomp, vous savez, les chiens qui vous sautent dessus si vous vous approchez un peu trop près? Est-ce qu'il était pompier pour éteindre les boules de feu de Bowser? Est-ce qu'il était charpentier pour entretenir le chapeau de Princess Peach? Ou bien il était pilote de kart professionnel pour esquiver toutes les carapaces bleues? Alors, moi, je connais la réponse. Ah, Donc, je ne la connais pas. Vas-y. Je ne la connais pas. Donc, je vais proposer charpentier pour la Princess Peach. Et moi, je connais la réponse et je vais dire charpentier pour la Princess Peach. Vous êtes vraiment beaucoup trop fort. Vous êtes plus fort que moi pour vous piéger. Bon, alors, ça s'apprend, tu sais, la fourberie est une qualité intrinsèque. Moi, j'ai appris tout ça en faisant mes petites recherches pour le quiz, donc vous avez beaucoup de connaissances. Beaucoup, beaucoup trop de vidéos sur les jeux vidéo. Ah, voilà, c'est pour ça. Et donc, oui, il est charpentier. Et ce n'est qu'en 1983 qu'il est en fait devenu plombier, d'où les nombreux tuyaux présents dans le jeu. C'est ainsi que s'achève cette Miss Science impossible. Nous espérons qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre l'actualité de l'émission. Vous pouvez également aller sur la chaîne YouTube de Miss Science impossible pour y retrouver l'intégralité de nos émissions. Elles sont bien évidemment aussi disponibles sur le site de Fadjet. On se retrouve dans 2 semaines pour, et oui, la dernière de la saison, le vendredi 25 juin, toujours à 16h, pour en apprendre davantage au travers de nos différentes missions, pas si impossibles que ça. D'ici là, profitez bien. À bientôt. À la prochaine.